بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. Et le dîn de l'islam, il faut savoir que cette religion de droiture, elle appelle à la modestie, elle appelle à la reconnaissance. À l'appel à ce que le serviteur, toutefois où il accomplit une œuvre et la parachève, aucun bienfait l'est touché, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui octroyait une faveur, il doit l'attribuer à son Seigneur, à Allah azza wa jal. Tout cela afin que le serviteur, il sache ayat l'ikhwa, que quelconque soit ses efforts, quelconque soit son intelligence, quelconque soit son degré dans la science, quelconque est son dévouement pour Allah Azzawajal, quels que soient les efforts déployés pour cela, la louange, la en louange, toute exclusivité et entièrement à revient Allah Azzawajal. Par Abu Yusuf, Abdullah al-Aji, hafidhahullah ta'ala. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a atharahum wa ktafa. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فنحمد الله سبحانه وتعالى على ما أنعم علينا من النعم الكثيرة المتكاثرة كما أمر به سبحانه وتعالى. Donc on remercie Allah Azza wa Jal des nombreux bienfaits qu'il nous octroie Allah Azza wa Jal jour et nuit. Comme kadhalika nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir facilité la reprise de cette série de cours Sharh Talkhis Sifati Salati Nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam min at-takbir ila at-taslim ka'annaka taraha lil-imam المحدث المجدد شيخ الإسلام أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله. Série dont on demande à Allah عز وجل, série de cours auxquels on demande à Allah عز وجل qu'elle soit profitable pour l'islam et le muslim. Avant d'entamer la révision du cours numéro 30 qui fut relatif aux règles de la prosternation, plutôt de la prosternation en arme de distraction, sujud al-sahw, il va de soi qu'on remercie Allah Azza wa Jal, et on n'en fera jamais assez de le remercier, subhanahu wa ta'ala, de nous avoir facilité l'accomplissement de cette noble adoration, qui n'est autre que le siyam du mois de Ramadan al-Karim. Wallah Azza wa Jal yakul, yuridu Allahu بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Et Allah subhanahu wa ta'ala veut pour vous la facilité et non pour vous la difficulté, et afin que vous en complétiez le nombre, yani de mois de Ramadan, et que vous proclamiez la grandeur d'Allah azza wa jal, pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissants. Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ce hadith, ayol ikhwa, à travers cette ayah, il ordonne ses serviteurs qu'ils fassent preuve de reconnaissance et qu'ils glorifient Allah azza wa jal de leur avoir facilité l'accomplissement du siyam du mois de Ramadan. Car cette ayah qu'on a lue précédemment est une ayah qui a été descendue et qui est relative au jeûne du mois de Ramadan. Allah azza wa jal nous demande, ayah l'ikhwa, qu'on fasse preuve de reconnaissance afin qu'il nous augmente en bienfait. Comme قال جل وعلا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. Et lorsque ton Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, je vais vous rajouter. Et le dîn de l'islam, il faut savoir que c'est une religion de droiture. Elle appelle à la modestie, elle appelle à la reconnaissance, elle appelle à ce que le serviteur, toutefois où il accomplit une œuvre et la parachève, aucun bienfait l'est touché, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui octroie une faveur, il doit l'attribuer à son Seigneur, à Allah azza wa jal. Tout cela afin que le serviteur, il sache, ayah l'ikhwa, que quelconque soit ses efforts, quelconque soit son intelligence, quelconque soit son degré dans la science, quelconque est son dévouement pour Allah azza wa jal, quels que soient les efforts déployés pour cela, la louange en toute exclusivité est entièrement à revient Allah Azza wa Jal. Et aucunement aux acquis de cette personne-là. L'islam, ayat l'ikhwatul karam, il appelle le serviteur à chaque moment où les bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur lui se multiplient, qu'il fasse preuve de beaucoup plus de reconnaissance. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul i'malu ala Dawood shukra. Œuvrez. Allah azza wa jal, il a visé cet ordre-là à la famille de Dawood, le prophète, alayhi salatu salam, Dawood. Il lui a dit œuvrez en guise de reconnaissance. Et on sait la faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée à Dawood et à sa famille. Et malgré cela, Allah azza wa jal, il lui a demandé, malgré ses multiples bienfaits que Allah Azza wa Jalla lui a donné, qu'il fasse preuve de reconnaissance en œuvrant. Wa Nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, lamma ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, izdada shukran lillah Azza wa Jalla. Le prophète alayhi salatu wa salam, après qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui ait fait cette énorme grâce, c'est-à-dire de lui avoir pardonné ses péchés, de lui avoir pardonné, na'am, la totalité de ses péchés, ceci n'a fait qu'ajouter au prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, de la reconnaissance. Kama jaa dhalika min hadith Aisha radhiyallahu ta'ala anha, kanat tara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yusalli hatta tatashaqqa qadamah. Aisha, voyez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, prier jusqu'au point où ses pieds, les pieds du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, gonflaient. Et hatta, yani, dans certaines versions, jusqu'à ce que ses pieds, yani, il avait des fissures dans les pieds. Aïcha lui a dit, Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a-t-il pas pardonné tes péchés, tous tes péchés? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a répondu, est-ce pour autant que je ne dois pas être reconnaissant? Donc de ce hadith et ces ayats-là qu'on a pu évoquer, il y a là un dalil clair et évident que toutefois où la faveur d'Allah Azza wa Jal et toutefois que sa faveur na'am se multiplie sur le abd, ce serviteur d'Allah, il doit faire preuve de reconnaissance et doit remercier Allah Azza wa Jal. Comme c'est le cas pour nous, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, après l'accomplissement de cette noble adoration qui est As-Siyam, l'accomplissement du jeûne du mois de Ramadan, accompli par la faveur d'Allah Azza wa Jal, qui nous a facilité l'accomplissement de cet acte-là. Donc on se doit, ayat l'ikhwatul karam, après cet accomplissement de cette œuvre, de cette grande œuvre qui est Siyam Ramadan, et qui te dira qu'est-ce que Siyam Ramadan, de faire preuve de reconnaissance et de remercier Allah Azzawajal énormément. Et que nos cœurs ressentent fortement cette grande faveur qui est Siyam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité l'accomplissement, et que nos cœurs ne soient pas frappés par l'insouciance que comporte ce Siyam qu'on a pu accomplir et parachever par la grâce d'Allah Azzawajal. Car il y a dans ce Siyam qu'on a accompli une invocation qui n'est pas rejetée. Celui qui jeûne pour Allah Azzawajal, au cours de son jeûne, il a une dua dans chaque jour qui jeûne, dont Allah subhanahu wa ta'ala ne rejette pas. Donc nos cœurs ne doivent pas faire preuve d'insouciance après l'accomplissement de ce mois et de ce qui comporte comme faveur et comme mérite d'être frappé par l'insouciance. Car il y a là, dans le mois de Ramadan qu'on vient de passer, dans chaque jour que, inshallah, on a jeûné, il y a une cause qui nous écarte de l'enfer. Comme ça, cela a été évoqué dans le hadith, qui est ma'rouf, chaque jour que tu jeûnes dans le sentier d'Allah Azzawajal, Allah subhanahu wa ta'ala écarte ton visage de l'enfer de 70 années. Et qu'azalik il y a dans le siyam qu'on vient d'accomplir, et que nos cœurs doivent ressentir cette énorme faveur qu'Allah Azzawajal nous a donnée, une nuit qui est bien meilleure que 1000 mois, dont l'adoration est bien meilleure que 1000 mois. Il y a qu'azalik dans ce siyam qu'on vient d'accomplir par la faveur d'Allah Azzawajal, dont nos cœurs doivent ressentir cette énorme faveur, cet emblème qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservé aux muttaqin, qui est qiyam al-layl, les prières de la nuit. Veillez la nuit en prostration et en recours pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il nous revient de tout droit, ayol ikhwatul karam, à quiconque a accompli ce mois de Ramadan avec foi et espérance, comme l'a exhorté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il ressente au fin fond de son cœur cette énorme faveur qu'Allah azawajal lui a octroyée, lui a facilité l'accomplissement, et qu'il ne fasse pas preuve d'insouciance, et qu'il se réjouisse kadhalika de la faveur d'Allah azawajal et de sa miséricorde qui sont bien meilleures que tout ce qui est réuni dans ce bas monde. Comme a dit Jalla wa ala fi kitabihi al-karim, قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Et dit, par la faveur d'Allah Azzawajal et sa miséricorde, c'est ainsi et c'est de cela que les croyants doivent se réjouir, car il y a dans cela où ceci est bien meilleur que tout ce qui est réuni, tout ce que ces personnes-là réunissent dans ce bas monde. Le véritable croyant, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné la réussite de pouvoir, et kadhalika lui a facilité de pouvoir accomplir cette grande ibadah, c'est celui qui se réjouit par la grâce d'Allah azawajal d'avoir accompli cette œuvre, as-siyam, siyam ramadan, à la lumière du kitab de la sunnah. Il s'en réjouit car, alhamdulillah, Allah lui a facilité de pouvoir l'accomplir comme Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah, tabaraka wa ta'ala, il l'aime et l'agré. Et le croyant al-makhzoul, celui qui a abandonné, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas de bien, c'est celui qui se réjouit d'avoir, ou plutôt de s'être déchargé du siyam de Ramadan, comme si ce siyam-là était un fléau et un poids que cette personne-là vient de se débarrasser. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. وَكَذَلِكَ أَيُّ الْإِخْوَةُ الْكَرَامِ. Parmi les choses que, on se recommande et on s'enjoint les uns les autres, après ce magnifique mois de dévotion que, inshallah, tabaraka wa ta'ala, chacun de nous a pu s'épanouir dans ces jours et nuits de Ramadan, c'est de préserver les œuvres qu'on a pu établir dans ce mois de Ramadan, en les préservant de les pervertir par la désobéissance et les péchés. On ne prétend pas que l'un d'entre nous, il ne pêche pas, il ne fait pas d'erreur, ou bien il ne désobéit pas à Allah Azzawajal, laquelle on s'enjoint les uns les autres à ne pas s'entêter dans les péchés sans se repentir. Surtout après avoir profité de ce mois de dévotion, ce mois de Ramadan. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم. Et n'annulez pas vos œuvres. Certains des ulama du tafsir ont dit, c'est le fait de faire suivre une bonne œuvre par une mauvaise œuvre. Comme la bonne œuvre qui est suivie, plutôt la mauvaise œuvre qui est suivie d'une bonne œuvre, fait disparaître cette mauvaise œuvre. Certains des ulama kadhalik ont dit, le fait de faire cela, c'est-à-dire de faire suivre le péché à l'obéissance, c'est une chose qui va ternir l'obéissance que tu as pu, naham, accomplir. Et kadhalika aydan, on s'enjoint les uns les autres de préserver ces œuvres qu'on a pu accomplir au cours de ce mois de Ramadan en veillant à être assidus dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les autres mois de l'année. Car Allah azza wa jal, celui qui a été adoré pendant Ramadan, c'est celui qui a adoré kadhalika pendant Shawwal, et c'est celui qui a adoré pendant Dhul-Qi'dah, wa Dhul-Hijjah, wa Muharram, et tous les mois de l'année. وَالْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le vivant, celui qui ne meurt jamais. Et même il a été rapporté de l'imam Abu Dawud, même si jamais le sens, plutôt le hadith, la chaîne de transmission n'est pas authentique, mais le sens que comporte ce hadith, il est vrai. Dans lequel النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من علم الرمي ثم تركه فإنه فإنها نعمة تركها أو كفر بها. Celui dont Allah subhanahu wa ta'ala a fait la faveur de lui apprendre comment tirer, c'est-à-dire avec les armes, c'est-à-dire avec, il parlait de, à l'époque, avec l'arc, et ensuite il délaisse cet enseignement. Il dit, ou il est dit dans ce hadith-là, que c'est un bienfait qu'il a délaissé, ou même peut-être qu'il a mécru. Car la reconnaissance, même si le hadith, comme on a pu le dire, il est pas authentique, laquelle le sens de ce hadith-là, il est authentique. Car reconnaître, ou plutôt être reconnaissant dans les œuvres, c'est d'avoir une assiduité après les avoir accomplis, après les avoir établis. والله عز وجل يقول كما on a pu l'évoquer dans le hadith, plutôt l'aya au début de cette exhortation, اعملوا آل داود شكرا, œuvrez ô vous la famille de Daoud en guise de reconnaissance, c'est-à-dire de persévérer dans l'adoration d'Allah عز وجل et de ne pas délaisser une chose après qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a fait la faveur de te combler. وكذلك جاء من الحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم l'enjoint, il a conseillé ce noble compagnon qui est عبد الله بن عمر, il lui a dit ne sois pas comme un tel, celui qui avait l'habitude de prier et ensuite il a délaissé la prière de la nuit. Donc il en est de même pour nous, inshallah, tabaraka wa ta'ala, après s'être épanoui par les adorations telles que siyam, wal qiyam, wal sadaqah, wa qiratul quran, wa da'watu ila Allah azza wa jal, de délaisser ces choses-là, comme le font une partie de la masse des musulmans, lorsque Ramadan s'achève, tu les vois délaisser ces œuvres auxquelles ils s'étaient habitués pendant ce mois de Ramadan. لا تكونوا مثل هؤلاء, ne soyez pas tels que ces personnes-là, surtout nous, ma'shar ahl sunnah, nous qui sommes le groupe, les personnes qui s'affilient au groupe sauvé, aux personnes qui s'affilient à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فعيب علينا ان تركنا العمل بعد ان كنا قد تعودنا عليها. Ça ne fait pas partie de la bienfaisance de délaisser ces œuvres-là, ou ne pas faire preuve et marquer l'assiduité dans ces œuvres-là, après qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a comblé, nous a fait la faveur de pouvoir les accomplir. Wa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul ahabbu al-amali ila Allah ma dawama sahibuhu alayhi wa in qall. Les œuvres les plus aimées auprès d'Allah azza wa jal, ce sont celles qui, dans lesquelles a été marqué le fait d'être assidu dans ces œuvres-là, ne pas délaisser ces choses-là. Et même si jamais cette œuvre-là, elle est peu. C'est-à-dire que, Inch'Allah, après avoir eu l'habitude de faire Qiyam al-Layl, même si jamais tu ne pourras pas avoir peut-être la même assiduité que tu as eu pendant le mois de Ramadan, c'est-à-dire de prier et de veiller toutes les nuits, surtout dans le dernier tiers de la nuit, au moins ne délaisse pas le witr. Car le fait de faire le witr dans le dernier tiers de la nuit, avant Salat al-Fajr, c'est l'équivalent d'un Qiyam al-Layl. C'est l'équivalent, c'est compté comme un Qiyam al-Layl. Même si jamais, c'est qu'une raka'a qui est faite avant le Fajr. Lakin, cet amal, si jamais tu l'as fait l'Illah Azza wa Jal, et tu marques cette assiduité dans cet amal-là, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime ce genre d'œuvre, même si jamais elle est peu, lakin le fait que tu as marqué l'assiduité et l'ikhlas l'Illah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala aime cette œuvre-là et lui marque une preuve de considération. Fa'alayna ayya l'ikhwatul kiram, d'établir ces rites qu'on a eu l'habitude d'établir pendant ce mois de Ramadan dans les autres mois de Ramadan. Voilà pourquoi le prophète Kadhalika, sallallahu alayhi wa sallam, il a certes exhorté les serviteurs après l'accomplissement du mois de Ramadan, après le jour de l'Eid, de faire suivre ce mois de Ramadan par les six jours de Shawwal. Man sama Ramadan, thumma atba'u sittan min Shawwal, kana kasiyam al-dahr. Celui qui a jeûné Ramadan et ensuite l'a fait suivre après l'Eid de six jours de Shawwal, c'est semblable à Naam, c'est comme si jamais il avait jeûné de manière éternelle, yani tout le temps. Car le fait d'avoir jeûné en Ramadan, qui comprend 30 jours ou bien 29 jours, tamam, et la récompense, elle est multipliée par 10, c'est-à-dire 30 fois 10, ça fait 300. Et le fait de jeûner 6 jours de Shawwal, tamam, s'il y a 6 jours, et dans ces 6 jours-là, la récompense Kadhalika, elle est multipliée par 10, ceci fait 60. Donc 300 plus 60, ça fait 360, c'est comme si jamais tu avais jeûné 360 jours, alors que tu n'as que jeûné 36 jours. Voilà pourquoi Nabi sallam il a exhorté des serviteurs à faire suivre du mois de Ramadan, 6 jours de Shawwal, afin que ce soit semblable à un jeûne qui est jeûné d'une manière éternelle. Et Kadhalika alayna bis-siyam, car le siyam, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire de multiplier les siyam surrogatoires, que ce soit lundi ou jeudi, que ce soit les trois jours ayam al-bayd, c'est-à-dire lorsque la lune est pleine, tamam, ou bien celui qui a la capacité de faire siyam Dawood, et parmi les autres siyam qui sont légiférés de faire au cours de l'année, il faut na'am, après s'être habitué, continuer à jeûner, inshallah tabaraka wa ta'ala, car il y a dans le siyam, comme l'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, une chose qui n'a pas de semblable. Et kadhalika, il y a dans le fait de jeûner, kama thabata dhalika min hadith sahhahahu al-imam Sheikh Mukbil rahimahullah ta'ala, fa qala shama fi al-hadith fa inna as-sawm yudhhibu al-na'am al-waraq. Le sawm, il fait, yani c'est une cause parmi les causes qui fait disparaître des poitrines la rancœur et la haine. La haine et la rancœur. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fa innahu yudhhibu al-wara. Le hadith a été authentifié par l'imam Muqbil rahimahullah ta'ala dans son livre Al-Jami' al-Sahih. Wakadhalika, on s'enjoint les uns les autres de multiplier les siyam, car après que nos corps soient et nos âmes se soient habitués avec la venue du mois de Ramadan, car l'insan ne sait pas comment va se finir et s'achever sa vie. On peut voir comme Allah subhanahu wa ta'ala peut vite faire changer la situation de personnes qui étaient, comme disent les Arabes, yusharu bil banan, une personne qui avait une considération importante au sein de la communauté, à qui Allah subhanahu wa ta'ala peut faire vite yani basculer sa situation pour lui faire œuvrer, comme a dit le hadith, par les œuvres des gens de l'enfer. Donc on ne sait pas comment nos vies vont se finir, lakin alhamdulillah rabbil alamin, Allah subhanahu wa ta'ala a mis des causes et a mis des œuvres afin de se préserver que nos situations changent, c'est-à-dire de faire preuve de sincérité, de faire preuve de reconnaissance, d'œuvrer pour Allah Azza wa Jal et de s'écarter des délices de la vie d'ici-bas et inshallah et avoir la dévotion pour l'au-delà. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, badiru bil a'mal fitanan ka qita' al-layl al-muzlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira aw yumsi mu'minan ويصبح كافرا يبيع دينه لعرض من الدنيا. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith authentique rapporté par l'imam muslim, nous exhorte d'œuvrer. بادر بالأعمال فتنا تقطع الليل المظلم. Il dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, vous devrez, avant que vous atteigniez les fitan qui seront plus obscures que les ténèbres de la nuit, encore plus obscures que les ténèbres de la nuit, pour nous dire que peu sont les personnes là qui auront la lumière par laquelle ils se verront s'éclaircir le chemin et la voie droite dans ces moments de fitan dans lesquels on vit, dans ces moments de fitan dans lesquels on vit. Donc le fait d'œuvrer et d'empresser le pas vers les œuvres as-salihah, les œuvres pieuses, c'est un sabab parmi les asbab, une cause parmi les causes qui vont, inshallah, tabaraka wa ta'ala, te préserver de tomber, ou plutôt d'être en plein milieu de ces fitelles-là, sans la lumière par laquelle tu pourras trouver l'issue favorable pour en sortir de ces fitelles-là. Tamam. Donc, inshallah, tabaraka wa ta'ala, il faut faire preuve de dévotion après qu'Allah subhanahu wa ta'ala a habitué nos âmes dans ce mois de Ramadan à ce qu'elles fassent preuve de dévotion, à être assidu dans cela, inshallah tabaraka wa ta'ala, afin de se préserver et de se prémunir du mal de cette vie d'ici-bas et de rejoindre les demeures de l'au-delà par le salut et la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Donc inshallah tabaraka wa ta'ala, ceci était un bref petit conseil, une préface de la révision dans laquelle on va entamer tout de suite, afin inshallah tabaraka wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite les œuvres de ce qu'ont pu comporter les paroles qu'on a pu évoquer. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا لذلك. مع تحية دماج افاق.com. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.